franceinter.fr. Tout de suite, à votre écoute, coûte que coûte. Salut à tous, bonne journée à l'écoute de l'Inter. Merci. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Léon, roi de Bayonne, roi de Bayonne. Ah, Léon, roi de Bayonne, la ville du jambon. Et non, pas que, Marga, c'est aussi la ville du chocolat. Dans le quartier de Saint-Esprit s'installèrent des juifs séfarades portugais, ou maranes, qui fuyaient l'Inquisition au XVIe siècle, apportant avec eux l'art de faire le chocolat. En 1615, la France découvre donc le chocolat à Bayonne, à l'occasion du mariage de l'infante espagnole Anne d'Autriche avec Louis XIII. C'est pas très espagnol, Anne d'Autriche, comme nous. Bayonne est ainsi une ville connue aujourd'hui encore pour son chocolat de qualité. Et ben moi, quand on me dit Bayonne, je dis du bon jambon de Bayonne. Je dis jamais du bon chocolat de Bayonne. Et oui, d'autant que je ne pense pas que pour les juifs séfarades portugais, le jambon ce soit très catholique. Ouais. Et par contre, alors, je suis très étonnée car je ne pensais pas du tout que le chocolat était cachér. Alors, ça ne me dérange pas, s'il est bon. J'aimerais juste être au courant. Voilà, j'aime pas qu'on profite de ma crédulité. Oui, je comprends, Margaret. C'est comme ces tonnes de viande halal qu'on mange sans même le savoir. Voilà, c'est très désagréable de se sentir trompé. Oui, mais enfin, on nous ment tellement en permanence, surtout que c'est difficile de croire qui que ce soit. Oula. Bonjour, Jean de Bayonne. Jean Bon. Bonjour, Margaret. Bonjour, docteur. Docteur. Oui, mais oui. Ben oui, non, mais parce que bon. Alors, Jean Bon de Bayonne. Je viens de lui faire, ça l'a pas fait rire. Alors, voilà, je suis atteint de mythomanie. Ouais. Et pourquoi vous croirait-on, monsieur ? Bah parce que je suis en phase d'angoisse, et donc là, j'arrive à en parler. Je peux reconnaître ma maladie uniquement parce que je ne suis pas en période de mensonge compulsif. On dirait que vous avez appris votre leçon par cœur, monsieur Jean. Moi aussi, je peux apprendre par cœur toutes les maladies, puis faire croire que je suis médecin. Ce que je ne fais pas, hein, puisque je suis réellement médecin. Bah oui, j'en doute pas. Vous êtes sûr ? De ? Que vous n'en doutez pas ? Bah oui, sinon je ne vous appellerai pas. Ouais. Alors ? En fait, j'arrive à bien définir ma maladie parce que je vois régulièrement des psychiatres quand je vais à l'hôpital. Dès que j'ai un mensonge qui ne tient plus la route, dès que je suis démasqué, je rentre dans une phase de très forte angoisse et j'ai besoin de consulter. Ouais, bon alors, si vous savez tout ça, vous voulez quoi ? Pour mon fils, en fait. Je suis perturbé parce qu'il a signé à ma place sur son cahier de correspondance et je me demande si c'est pas le début d'un processus de mythomanie. Oui. Alors, monsieur, qu'est-ce qui nous prouve que cette histoire est vraie ? Ben, je vous le dis. Justement, venant de vous. Comment s'appelle votre fils, monsieur ? Oscar. On tousse souvent pour gagner du temps, hein ? Non, ben je toussais, c'est tout. Ouais. Alors comme ça, votre petit garçon s'appelle Oscar. Mon petit garçon Oscar. Oui. Vous auriez pu trouver un prénom un peu plus crédible. Ben, c'est son prénom. Oui, non, mais à sa naissance, connaissant vos problèmes, vous auriez dû lui trouver un prénom qui fasse pas un prénom inventé. C'est le prénom qu'on a choisi avec sa maman. D'accord. Et votre femme, par rapport à tous vos mensonges, elle est bien certaine qu'il est de vous, ce soi-disant petit Oscar ? C'est plutôt l'homme qui peut douter. Ah d'accord, elle est mythomane également. Vous êtes marié ? Oui. Vous avez menti devant Dieu quand vous avez dit oui ? Non. Et là ? Oui. Vous mentez là ? Non. Ouais. Ça doit être angoissant pour le petit Oscar, si tant est qu'il s'appelle vraiment Oscar, d'avoir un père, si tant est que vous ayez vraiment un fils, qui passe son temps à mentir, si tant est que vous mentiez vraiment. Et je suis mythomane. Ouais. sensibilité. En tant que mythomane, monsieur ? Bon, d'accord, donc je ne peux plus rien dire, alors. Ah ben oui, mais Jean, si tant est que ce soit votre véritable prénom, quand on crie au loup... Quand on donne le bâton pour se faire battre... Et quand on met les doigts dans la prise... Et quand on fait pipi face au vent... Eh bien, on récolte ce que l'on sème. Oui, si tant est que... Bon, vous pouvez m'éclairer, Margaret, sur mes craintes au sujet de mon fils ? Vous savez, Jean, quand je reçois un enfant menteur à mon cabinet, je refuse tout net de m'en occuper, car il m'est impossible de faire un travail sur de fausses déclarations. Alors, ce que je conseille à mes petits patients, c'est d'aller là où le mensonge n'est pas permis à confesse. Attention, ça marche pour tout le monde, puisque cela n'a rien à voir avec la religion. La preuve, c'est que même les non-croyants peuvent y aller. Oui, il est d'ailleurs tout à fait surprenant que le mensonge ne fasse pas partie des 7 péchés capitaux, je trouve. Mais bon, on serait obligé de dire les 8 péchés capitaux, c'est donc pour ça que c'est impossible. Ou alors, on serait obligé d'en retirer un de la liste, peut-être. La gourmandise, au hasard, hein, Margaret ? Ça t'arrangerait bien, ça, la gourmandise. Hein ? Non, mais c'est parce que... Bah. Non, mais comme t'aimes bien... Bon, tant pis, c'est pas grave. Jean ? Bon, Jean... Ah. Jean, je vais vous laisser faire semblant de raccrocher en faisant tit, tit, tit. Et entre nous, je pense que vous vous lasserez le premier. Vous savez, Jean, si tant est que vous vous appeliez vraiment Jean, je citerai Paul Guth, le mensonge ne sied qu'aux femmes. Ah, je dois avouer que pas faux. Hein oui. Merci Yann Chouquet, merci Philippe. Merci Marga. Au revoir Jean, au revoir à tous, si tant est que... À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.